L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. C'est donc un nouveau record pour le titre convoité de galaxie la plus lointaine. Cette galaxie se nomme EGS-8P7 et se trouve dans un univers âgé de seulement 570 millions d'années, battant le précédent record de près de 100 millions d'années. Cette découverte a été publiée dans The Astrophysical Journal Letters il y a 2 semaines. Une signature souvent utilisée par les astronomes pour l'étude des galaxies est la raie Lyman-alpha de l'hydrogène, qui est produite quand les étoiles naissantes chauffent l'hydrogène neutre qui les entoure. Mais l'hydrogène neutre, en plus d'émettre cette raie, absorbe également la même longueur d'onde, ce qui rend sa détection compliquée à l'époque de la réionisation où abondait l'hydrogène neutre entre 500 millions d'années et 1 milliard d'années après le Big Bang. Adi Zidrin du California Institute of Technology et ses collègues ont réussi ce pari un peu fou de détecter la raie Lyman-alpha à cette distance incroyable à l'aide, dans un premier temps, du télescope spatial Hubble, dans le proche infrarouge. Ils ont par la suite confirmé cette observation avec le télescope hawaïen Keck de 10 mètres, utilisé durant 2 nuits consécutives, suffisante pour confirmer la présence de la raie de l'hydrogène. La distance a pu être déterminée grâce au décalage vers le rouge de la raie Lyman-alpha, et se situe donc à près de 13,25 milliards d'années-lumière. Les astrophysiciens pensent que la raie Lyman-alpha de l'hydrogène a pu être détectée dans cette galaxie ultra lointaine, car cette dernière aurait produit énormément de rayonnement ultraviolet durant sa vie antérieure, qui aurait massivement ionisé l'hydrogène neutre l'entourant. Ce phénomène laisse penser aux astrophysiciens que la phase de réionisation de l'univers aurait pu se dérouler de manière plus hétérogène que ce que l'on pensait généralement. Par cette découverte, l'équipe internationale d'astronomes vient donc d'ouvrir une porte sur la possibilité d'observer ce qu'on pensait inobservable avec des télescopes terrestres. Il est ainsi possible que le prochain record de distance arrive avant même la mise en service du James Webb Telescope en 2018, qui, lui, devrait par contre les enchaîner à une fréquence élevée. L'article de Adi Zidrin et ses collaborateurs est paru dans Astrophysical Journal Letters, numéro 810, le 28 août 2015. Il a pour titre « Lyman Alpha Emission from a Luminous Z égale 868 Galaxy, Implication for Galaxies as Tracers of Cosmic Reionization ». Restez bien à l'écoute sur le 3W, ça se passe là-haut. Oui. Ainsi que à l'écoute sur les plateformes PodCloud et iTunes en ce qui concerne ce podcast qui est la retranscription du blog. Ça se passe là-haut, ben oui, forcément. Et donc à très bientôt et d'ici là, restez bien les yeux au ciel et les pieds sur terre. Salut !